Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je vais débarrasser un petit peu. Vous êtes de l'association ? Oui. Ah oui ? Oui. Je suis responsable de l'association. Vous êtes monsieur Patrick Amiot ? C'est moi-même. Ah, bonjour. Bonjour. Agnès Mathieu. Non, bah oui. Ça me dit rien. Non, ça me dit rien, c'est trop ancien. Vous avez les clés des classes ? Bah, c'est ouvert, là. C'est ouvert ? Oui. Je peux voir ? Ah, vous êtes la fille à M. Oui, Mathieu ? Oui. D'accord, ok. Ben ça y est, quand on me dit M. Mathieu, oui. Je suis là, ben rentrez, tout est ouvert. Là. Comme ça, je suis en reconnaissance. C'est vrai ? Oui. Vous êtes revenu au pays ? Oui. Vous habitez où ? Ici. Ah bon ? Vous venez au Sousse, oui. Alors ? Non, j'habite en Alsace. D'accord. Allez-y, ouvrez, là, ça. Ah oh, oui, c'est vrai ? C'est la place de maman. Bon, tout est repeint, tout est refait. Je sais pas si l'autre est ouverte. Oh, il faudrait, c'est surtout l'autre qui est à part. C'est vrai, tu sais. Celle du père. Oh, il faudrait. Oh, merci. Vous avez de la chance, hein. La chance qu'on passe ici. Tout est changé, hein, tout est modernisé. Ah ben, modernisé, non, refait, parce que c'était vraiment plus... Ça reste beau quand même, hein, vous savez. On a tout refait, l'association, il y a quoi, il y a 4-5 ans ? Ah oui ? Oui ? Ouais, parce que... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous louez, vous ? On loue. Vous ne vendez pas l'école, non ? Ah, c'est la commune, hein, s'ils veulent vendre l'école, ils peuvent. Hein. Oui, ils peuvent. Hein. Pour moi, ce serait une charge supplémentaire, parce qu'il n'y a plus de salle sur Cornimont. Et on est mis à contribution quasiment tous les week-ends pour les locations de salles. C'est vraiment que du bénévolat. Donc vous louez pour moi, c'est plus une charge qu'autre chose. Vous louez les salles, parce que les appartements, vous ne pouvez pas les louer, ils sont insalubres. Ben, il y a un appartement qui est loué, là. Oui, d'accord, mais bon, vous avez vu l'état des appartements. Ah ben, l'autre, du deuxième, ah ben, là, l'autre il est... Ben, parce qu'il a la commune d'abord fait, hein. Ah ouais, il faut leur parce qu'ils... Non, non, ils ne veulent pas investir là. Ils seraient plutôt à vendre l'école, à vendre le bâtiment. Que... Ah, ils seraient plutôt à vendre, ouais. Bon, ils ne le vendent pas parce qu'il n'y a plus de salles sur Cornimont. Ah, puis, ils le vendent pas. Et hein. Puis qu'on ait une association et puis qu'ils géreront les salles, ça leur coûte rien. Parce que ça vaut pas cher, ça. Ben, ça vaut le prix que les domaines l'estiment, quoi. Je sais pas ce que ça peut valoir, moi. Rien. Voilà, vous irez dire ça au maire. Ça vaut rien. Je pense pas qu'il sera de votre avis. Je vais aller lui dire. Parce qu'il y a du boulot, quand même, hein. Oui, mais bon, ici, vous avez quand même deux belles pièces. Vous avez un chauffage central ici qui oui, a... qui chauffe vraiment très fort. Très fort. Hein. Très, très fort. Mmh. Bon, après, ce serait peu de choses de monter le chauffage central en haut, hein. Puisque tout est à la plombe. Oui, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça n'a jamais été fait. Hein. Non, non, ben, c'est-à-dire que le logement là-bas avait été loué par un employé communal il y a 5-6 ans. Ouais. Et celui-là, il l'avait refait en logement de secours en cas d'incendie sur la commune, pour qu'il y ait un logement de secours. Puis en fin de compte, la commune s'est rendue compte qu'il ne servait jamais, qu'il était donc ils ont dit on le loue. Donc il est venu une dame qui travaillait à la communauté de communes là dernièrement, qui est partie. Avant, il y avait une autre famille, je crois. En fin de compte, il a toujours été loué, quoi. Oui, malgré tout. Donc il n'y a plus de logement de secours. En résumé, il n'y a plus de logement de secours. Il n'y a plus de logement de secours. Ouais. C'est sûr qu'il y a toute la partie grenier qui pourrait être aménagée ou aménageable. Mmh. Il y avait des choses dans le grenier. Hein. Oui, mais tout a été nettoyé. Et qu'est-ce que c'est devenu ? Il y avait des appareils cinéma et tout. Tout a été foutu en l'air. Foutu en l'air ? Ah, bon, je pense. Hein. Foutu en l'air ? Quand des appareils heurtiers et tout. Ah bah peut-être, mais plus personne ne prenait mais ça. C'est moi. Bah oui, mais vous, au bout de combien d'années ? Ça fait peut-être 10 ans qu'ils ont tout refait le... Ils ont tout foutu en l'air ? Ils ont... Oh bah oui, tous les cartons, tout ce qui traînait, tout est parti à la, ah, à c'est, la dèche. Au-dessus, il a fallu refaire tout le plancher au-dessus, parce qu'il y avait le ciron dans le plancher, donc ils ont remis un plancher en OSB maintenant, avec des nouvelles plaques. Mmh. Ils ont refait un traitement de charpente complète, parce que ça s'imposait. Alors, pour faire tout ça, il fallait tout débarrasser, parce que c'était... Oui, c'est des nids après... Ah, bah oui. Ah non, puis on ne pouvait pas aborder, il y avait tellement de bazar à droite, à gauche. Du bazar qui a été accumulé au fil des ans, et puis... Bon, voilà la salle du père. Voilà. Vous restez... Non, mais je ne veux pas vous retarder. Non, parce que moi, je m'en vais. Je vous laisse la communication ouverte. Non, si non. Vous voulez... Non, il y en a plus de 2 minutes, c'est si bon. Si vous voulez naviguer là, non, bon, ça me pose c'est pas bon. Soucis, hein. Non, non, je regarde, c'est tout. De toute façon, tout est refait, tout est changé. Ah ben oui, ça c'est sûr, oui. On a même ôté les tableaux, vous voyez. Les tableaux, enfin, les tables, tout ça. Tout a été jeté, c'est dommage. Les bibliothèques, les vipères. Ah oh, ouais, ça c'est vachement modernisé. Et puis, il n'y avait pas ça. Il y avait des lavabos comme ça, tout le long. Oui, oui, c'est chic maintenant. Avant, c'était du plancher. Qui grinçait et tout. Merci pour la visite. Oh, bonne foi. Ça vous rappelle des années. Bah oui, fatalement. C'est beau. Ça reste le bout de Allez, viens, vas-y. Je vais aller chercher les fleurs. D'accord. Puis je vous emmène au bassin grenier. D'accord. La source. Merci. Bon, allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée.